Le combat galant par Horace von Hoffel. Je me liais avec Philippe de Marnix à la salle Le Loup, où nous faisions de l'escrime ensemble. Philippe était un gros garçon qui tire avec fougue, mais sans malice. Un jour, il me dit « Venez donc passer quelques semaines à Saint-Aldegonde. Ce n'est pas pour vous éblouir avec mes ancêtres, mais j'ai là une collection d'armes qui vaut la peine d'être vue. Je n'eus garde de refuser. J'aime les vieilles demeures. » Puis j'étais curieux de connaître Madame de Marnix, que l'on disait très belle et un peu mystérieuse. J'arrivai à Saint-Aldegonde par un matin d'automne. J'avais fait une partie du voyage en canot, car Saint-Aldegonde était bâti sur la rive droite de l'Escaut, non loin de l'embouchure du Rupel. Le château se trouvait dans une plaine déserte. Ses murailles rouges se reflétaient dans un fossé au glacis rectangulaire. Néanmoins, malgré la tristesse du paysage et le deuil des eaux mortes, la demeure avait un aspect assez avenant. Peut-être à cause du soleil qui enflammait les briques de la façade et les ardoises du toit et des tours. Marnix me reçut à bras ouverts. « Ma femme, annonça-t-il tout de suite, nous rejoindra dans un instant. » Et il me fit visiter son domaine. Philippe avait dit vrai. Saint-Aldegonde contenait d'incomparables merveilles. Dans la salle d'armes, je ne pus réprimer mon enthousiasme. Nos ancêtres mettaient de l'élégance même dans l'art de s'entretuer. Il y avait là des armures, des casques, des arquebuses, des épées, des pistolets, qui étaient des chefs-d'œuvre de ciselure et de ferronnerie. De Marnix me montra une rapière espagnole. « Admirez le travail !» me dit-il. « La lame est de Tolède. On peut la plier en cercle sans la rompre. J'ai cru longtemps que cette réputation des armes de Tolède était surfaite. Mais voyez !» Philippe exécuta le tour annoncé. Il fallait réellement que la trempe de cet acier fût extraordinaire. Mon hôte continua. Et quel équilibre! Sentez à quel point l'arme est bien en main. J'ai la paire. Le tout au complet avec les ceinturons, les dagues et les fourreaux. Où est l'autre? Demandai-je. Chez un armurier qui en exécute une copie en double, à pointe émoussée. S'il m'envoie ses copies à temps, nous nous amuserons. Ensuite Marnix me proposa un assaut au fleuret. J'acceptai. Quand j'eus fini de nouer mes sandales, une jeune femme apparut brusquement dans l'encadrement de la porte. En l'apercevant, je sentis comme un coup de poing au cœur. Dieu! Qu'elle était étrange et belle, avec ses yeux arqués, froids, pénétrants, couleur d'acier rouillé. Oui, vraiment, de cette effrayante couleur-là. « Ma femme, » dit Philippe. Il me présenta. Elle me donna sa main. Quelque chose de glacé se tordit et se déroba sous la pression de mes doigts. « Continue donc, » murmura-t-elle. Je ne sais si sa présence piqua ma vanité, mais je ne voulus laisser aucun avantage à Marnix. Plusieurs fois, je le touchai en pleine poitrine. « J'aurai ma revanche, » s'écria-t-il, non sans un peu de mauvaise humeur. Pourtant, nous passâmes le reste de la journée agréablement ensemble. Les Marnix me retinrent au château jusqu'à la fin de la saison. Nous profitions des derniers beaux jours pour flâner dans le parc. René nous tenait compagnie, et j'essayais timidement de lui faire comprendre que sa présence m'était chère. Les occasions de lui parler en tête-à-tête étaient rares. D'ailleurs, mes galanteries n'allaient pas très loin, et se bornait à d'humbles offres de dévouement et d'amitié. Toujours elle m'écoutait en fixant sur moi un étrange et troublant regard. Une fois elle me demanda, d'un air railleur, « Pourquoi n'achevez-vous jamais vos phrases ?» Vis-à-vis de Philippe, je me sentais honteux de ma perfidie. L'homme est un enfant. Souvent il se croit encore à la chasse, lorsqu'il est déjà pris dans un invisible filet de séduction et de ruse. Au fond du parc, il y avait une balustrade de pierre où nous venions nous accouder à l'heure où le soleil allait dormir. Cette balustrade surplombait la douve élargie en étang. De cygnes hautains habitaient cet endroit solitaire. Ils nageaient avec une grâce nonchalante au fond des londes d'un élan rapide. Toujours ils s'arrêtaient déçus à l'autre rivage. On eût dit qu'ils cherchaient en vain une île ignorée, un refuge mystérieux pour abriter leur beauté, leur mort et leurs amours. Un soir que nous étions là, un domestique vint appeler Philippe. Je sentis que le moment était venu de parler à René, ou de la perdre à jamais. Mais aucune parole ne voulut sortir de ma gorge contractée. Alors un silence émouvant nous enveloppa. Un silence, non. Aucun cri n'aurait dépassé l'intensité, la passion de ce silence-là. Je me penchai. Soudain, je vis nos deux visages contractés reflétés par le miroir des eaux. Ils se touchaient presque, et semblaient prêts à s'unir dans un baiser. Philippe nous rejoignit tout joyeux. « On vient de m'apporter les rapières, » dit-il. « L'imitation est parfaite. » Demain, nous reconstituerons un combat au clair de lune. Tout sera admis, les surprises et les corps à corps. c'est à qui dégainera le plus vite. Ah, mon gaillard, c'est là que je vous attends. » L'idée de ce jeu me plut. Le lendemain, à l'heure convenue, nous allâmes prendre les rapières à l'endroit où Philippe les avait déposées. Nous nous rendîmes au jardin, suivis de René. Sur la pelouse, nous nous éloignâmes l'un de l'autre. Déjà, il faisait très sombre. Marnix cria. « Y êtes-vous ? » Je répondis affirmativement en jetant mon fourreau. Philippe tomba sur moi comme la foudre. Nos lames se froissèrent si rudement qu'il en jaillit des étincelles. Mais je réussis à désarmer mon adversaire. « Halte ! » fis-je, « c'est fini. D'après les coutumes anciennes, j'aurai le droit de vous tuer. C'est à recommencer. » Je dirigeai ma rapière vers le sol, et je sentis qu'elle y pénétrait sans résistance. « Qu'est-ce ceci ? » m'écriai-je. « Cette pointe n'est pas émoussée. Elle pique comme une aiguille, on s'est trompé. » Philippe pâlit, il regarda son arme. « Oh ! » bégayait-il, « moi aussi, j'ai l'autre, c'est incompréhensible. » Alors nous entendîmes la voix coupante de René. « Vous êtes un maladroit !» Il s'éloigna lentement, sans nous regarder ni l'un ni l'autre. C'était Le Combat Galant par Horace von Hoffel.